Ceci est une lecture de Christiane Johann pour audiocité.net. Ceci est un enregistrement sous licence CC BY NC ND 2.0 FR. Janvier de Louis-Honoré Fréchette. La tempête a cessé. L'éther, vif et limpide, a jeté sur le fleuve un tapis d'argent clair, où l'ardent patineur, à l'envol intrépide, glisse un reflet de flamme à son soulier de fer. La promeneuse, loin de son boudoir tépide, bravant sous les peaux d'ours les morsures de l'air, au son des grelots d'or de son cheval rapide, à nos yeux éblouis, passe comme un éclair. Et puis, pendant les nuits froidement idéales, quand, au ciel, des lambeaux d'aurore boréale battent de l'aile, ainsi que d'étranges oiseaux, dans les salons ambrés, nouveaux temples d'idoles, aux accords de l'orchestre, au feu des girandoles, le quadrille joyeux déroule ses réseaux. 1878. Illustration musicale avec l'aimable autorisation de Pascal Krieg. Musique Libère-toi de Pascal Krieg, édité par Musique Libre CC. www.musiquelibre-cc.fr. Distribué sous licence Creative Commons BY NC ND.